La lutte contre le cancer est un enjeu de santé publique qui nous concerne tous. Grâce à une stratégie unique en France, la Fondation ARC initie et développe des voies de recherche révolutionnaires sur le cancer. En donnant les moyens aux chercheurs de trouver de nouvelles avancées majeures, nous pouvons sauver plus de vies. Dans ce combat, chaque geste compte. Soutenez la recherche sur le cancer. Faites un don à la Fondation ARC et réduisez votre impôt sur ifi.fondation-arc.org. La science CQFD, Natacha Triou. Les rythmes circadiens gouvernent les rythmes biologiques de tous les êtres vivants. Notre métabolisme repose sur cette horloge interne qui se remet à l'heure chaque jour. Comment est-elle réglée ? Celui qui marque le plus nos vies quotidiennes, c'est le rythme veille-sommeil. Mais des rythmes circadiens, il en existe d'autres. Le rythme de la température corporelle, du niveau des hormones et même de la pousse de cheveux. Pendant longtemps, on pensait qu'il n'y avait qu'une horloge unique située dans le cerveau. Ce n'est que récemment que l'on découvre qu'il en existe plusieurs, voire partout, dans tous les tissus et organes. Mais que se passe-t-il quand nos horloges biologiques se dérèglent ? Rythme circadien, remettre les pendules à l'heure. François Rouillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche INSERM, directeur de l'Institut des neurosciences Paris-Saclay en génétique moléculaire des rythmes circadiens. Nous sommes en ligne avec Hélène Duez, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'INSERM spécialisée sur les rythmes circadiens, sur les aspects physiologiques et pathologiques. Et nous sommes également en ligne avec Claude Gronfillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en neurosciences, chronobiologiste, spécialiste des rythmes biologiques, chercheur au Centre de recherche en neurosciences de Lyon et président de la Société française de chronobiologie. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct des studios de France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez. Pour compléter l'écoute, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter dès maintenant pour notre live tweet riche de ressources complémentaires. C'est @sciencesqfd. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc de comment nos horloges internes gouvernent-elles les rythmes de la journée, comment elles dialoguent entre elles et de comment elles influencent notre santé. Pour commencer, est-ce que notre horloge interne coïncide avec les horloges mécaniques ? L'expérience a été tentée en 1963, c'est notre archive du jour. Depuis 4 mois, un volontaire, M. Brin, est enfermé dans une cabine spatiale expérimentale. Il fait là-dedans un voyage fictif. But de l'expérience ? Étudier les réactions d'un homme durant les mois que va durer un voyage interplanétaire, les futurs voyages interplanétaires, et on les prévoit dans les 10 ans qui viennent. La Lune d'abord, puis peut-être ensuite Mars, Vénus, etc. Or, les réactions de M. Brin sont plutôt surprenantes. D'abord, il a rapidement perdu le sens du temps. Il lui est arrivé de rester éveillé 30 heures de suite. Il ne savait plus du tout quand il était temps de dormir, temps de s'éveiller. On l'a laissé ainsi une cinquantaine de jours, et puis on lui a donné une pendule. Alors là, en se référant à l'horloge, il a retrouvé un rythme à peu près régulier de sommeil et de veille. Mais il y a autre chose. Son horloge interne ne coïncide pas exactement avec l'horloge mécanique. Il y a des écarts de 2, 3 et même de 5 heures. En un mot, Brin a tendance à vivre des journées de 26 et même de 29 heures s'il ne surveille pas attentivement la pendule. Et puis il y a encore une dernière chose. Il est devenu vraiment très irritable, en particulier pour la question des cigarettes. Brin peut en effet fumer dans sa cabine. Mais on avait convenu, au début, qu'il devait pousser 80 fois un certain bouton pour obtenir une cigarette. À ce rythme, il en grillait 40 par jour. On s'est dit qu'il fallait réduire la consommation et on le força à presser 500 fois le bouton pour pouvoir fumer. Et Brin pique maintenant à chaque fois une jolie colère. Il est furieux aussi quand on tarde à lui donner les objets qu'il demande. C'est ce que l'on a constaté officiellement dans un rapport où on souligne, je cite, « l'ampleur des réactions de Brin à certains commentaires qu'on lui fait. En général, ajoute-t-on, ces réactions sont très marquées et hors de proportion avec celles d'individus vivant dans des conditions normales. » Le pauvre monsieur Brin en 1963. Pour réagir à cette archive, Hélène Duez, sans pendule, on vivrait des journées de 26 et de 29 heures et non pas de 24 heures ? Oui, alors peut-être pas 26 ou 29 heures, mais c'est vrai que beaucoup d'entre nous ont tendance, lorsqu'il n'y a pas de mesure du temps, à nous décaler tout simplement parce qu'en fait, les rythmes circadiens, eh bien, comme leur nom l'indique, ils font environ un jour, environ 24 heures. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. On est en général plutôt vers 24h30 chez l'homme. Ça dépend beaucoup des espèces. Et donc, on a besoin d'un de remettre notre horloge à l'heure tous les jours pour être ajusté à 24 heures et c'est ce que la lumière fait très bien. Oui, le terme circadien provient de circa qui signifie proche d'eux et diem un jour, ainsi que d'une durée de 24 heures. Exactement. Donc en clair, circadien presque un jour. François Rouillet, je vous voyais sourire pendant cette archive. Oui, l'expérience est assez surprenante. Et en fait, les expériences de ce type ont surtout été faites dans des grottes. Et à nouveau, les résultats obtenus tendaient vers une période significativement plus longue que 24, beaucoup plus que ce qu'on mesure maintenant pour des tas de raisons, évidemment d'influence peut-être de l'état dans lequel on est lorsqu'on est dans le noir complet, qui peut influencer l'horloge. Et comme ça vient d'être dit, la période humaine est très légèrement supérieure à 24 heures, mais c'est beaucoup plus proche de 24 heures que ce type de valeur. Claude Gonfier, une réaction vous aussi à cette archive ? Alors c'est assez fabuleux d'entendre cette archive parce que, évidemment, nous, chronobiologistes, on comprend tout à fait pourquoi ce monsieur a eu du mal à dormir, pourquoi ses journées étaient un peu différentes de 24 heures, pourquoi il avait des difficultés à gérer son stress vis-à-vis, par exemple, de sa consommation de tabac. Et donc, pour nous, c'est des beaux exemples de situations extrêmes dans lesquelles certains se sont placés. On se demande bien, d'ailleurs, pourquoi il a accepté une étude de ce type. En tout cas, oui, c'est tout à fait passionnant. On va parler d'autres études, d'autres dispositifs et d'expériences que vous avez d'ailleurs menées également, Claude Gonfier. Mais avant ça, je voudrais bien qu'on définisse un peu ensemble qu'est-ce que c'est que ces rythmes circadiens. Celui qui marque donc le plus nos vies, c'est donc le sommeil. Il en existe d'autres. On en observe plusieurs. Hélène Duez, est-ce que vous aurez d'autres exemples à nous donner ? Ah oui, il en existe beaucoup. En fait, c'est toutes nos fonctions biologiques qui marquent des rythmes circadiens, tout simplement parce qu'il faut qu'on s'ajuste en fait à la rotation de la Terre sur laquelle on vit et qui provoque cette alternance entre le jour et la nuit. Donc évidemment la température corporelle, mais on pourrait parler par exemple de l'activité du cœur qui est complètement différente lorsque l'on est actif et lorsque l'on dort. Le métabolisme, tout simplement aussi parce qu'on n'est pas dans le même état, puisqu'on mange quand on est réveillé, et on fait de l'exercice quand on est réveillé, alors que évidemment on ne le fait pas lorsque l'on dort. Donc ce sont toutes nos grandes fonctions qui sont différentes entre le jour et la nuit, et que l'horloge participe à contrôler. Claude Gonfier. Oui, alors comme Hélène l'a dit, il y a beaucoup d'exemples. On s'intéresse, nous, en ce moment, beaucoup à la somnolence, par exemple, à la perception de la sensorialité. La façon dont on perçoit la douleur, par exemple, varie au cours des 24 heures. Et cette sensibilité qui varie, on l'a appris, est contrôlée par notre horloge biologique interne. Donc, comme Hélène l'a bien mentionné, c'est toute la physiologie de l'organisme, ou presque, qui est contrôlée par l'horloge circadienne. Et ça montre bien à quel point elle est importante. La rythmicité circadienne est à l'origine du concept d'horloge biologique. Claude Gonfier, qu'appelle-t-on rythme circadien plus précisément et horloge biologique ? La question tombe sur moi, je me demandais qui aurait à répondre. Eh bien, ce qu'on appelle rythmicité circadienne, c'est cette rythmicité qu'on a déjà tous les trois évoquée, qui sont ces rythmes biologiques qui s'observent avec une période proche de 24 heures, une périodicité proche de 24 heures. C'est proche de 24 heures et pas exactement comme Hélène l'a mentionné tout à l'heure aussi. Chez l'humain, on mesure, chez un grand groupe d'humains, on a mesuré que cette périodicité était de 24 heures et 10 minutes en moyenne. Elle est un petit peu plus courte chez les femmes que chez les hommes. Et on ne sait pas très bien pourquoi, mais on pense que, par exemple, cette petite différence de rythmicité pourrait expliquer la plus grande prévalence d'insomnie chez les femmes, par exemple, qui est souvent associée à un coucher plus précoce chez les femmes. Cette rythmicité, alors François va le décrire je pense en détail, et on le sait maintenant, elle est liée à un petit groupe de gènes qui permettent de comprendre en fait que l'horloge repose sur une mécanique génétique très précise, et c'est grâce à cette mécanique génétique très précise que les rythmes finalement sont aussi précis. Chez l'animal, par exemple, quand on observe un animal en laboratoire, eh bien après seulement quelques jours d'observation de son activité physique, par exemple, de son activité motrice, eh bien, on est capable de prédire très précisément, quasiment à la minute près, quand cet animal va démarrer son activité motrice quelques jours plus tard. Ça montre à quel point cette mécanique est très bien huilée et très précise. Et ce rythme, voilà. Oui, ce rythme d'oscillation proche de 24 heures est d'origine endogène, c'est-à-dire qu'il n'est pas relié à l'environnement, il est dû à une cause interne, François Rouillet. Indépendamment de l'extérieur, on observe que ce rythme persiste, donc l'explication réside dans les gènes. Oui, alors peut-être avant de rentrer dans les mécanismes, je voulais insister sur l'aspect très général. On vient de voir différents exemples chez l'homme, mais en fait, comme toutes les espèces sont nées sur une Terre qui tourne avec une période de 24 heures, en fait, toute la vie a toujours été rythmée par les cycles jour-nuit, et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas, en gros, pas un organisme connu dans lequel on ne trouve pas des rythmes circadiens, y compris des espèces parfois qui semblent très coupées du cycle jour-nuit, mais qui vont pouvoir, c'est le cas de certains poissons cavernicoles, qui vont pouvoir percevoir des changements par des puits de lumière très éloignés, mais qui vont légèrement changer la composition de l'eau. Donc il y a l'ensemble du monde vivant est soumis à ces cycles et a donc développé l'évolution a créé des horloges dans l'ensemble des organismes pour répondre à ça. Oui, on en trouve chez les cyanobactéries, les plantes, les champignons, exactement, tout vivant. Exactement. Donc, ce n'est pas du tout une caractéristique d'animaux multicellulaires, ce n'est pas du tout une caractéristique de cerveau, comme on vient de le voir également. C'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque au monde vivant, vivant sur une planète avec une période de 24 heures. Bien évidemment, si on vivait sur une planète qui ne tourne pas ou qui tourne, ce qui ne doit pas exister, ou qui tourne avec une période différente de 24 heures, il en serait autrement. Et donc, ces horloges, en effet, sont présentes dans l'ensemble des organismes. Et en effet, on trouve une grande conservation des gènes. Alors, peut-être pas jusqu'aux cyanobactéries, où même si le mécanisme général semble finalement un petit peu similaire, il y a une très grande conservation chez les animaux multicellulaires. Par exemple, si on compare des mammifères et des insectes, ça repose sur, grosso modo, une petite série de gènes qui vont activer l'expression de centaines, milliers de gènes dans chaque cellule. Et évidemment, le point important, c'est que cette petite série de gènes, on la retrouve partout. En revanche, les gènes qui sont sous contrôle de ceux-là, eh bien, eux vont être très, très dépendants des cellules dans lesquelles ils se trouvent, puisqu'on n'a pas besoin de faire la même chose de façon cyclique dans une cellule du foie, dans une cellule du rein ou dans un neurone. Alors pour continuer cette petite anatomie de ces horloges biologiques, Hélène Duez, l'horloge interne principale, c'est le métronome de l'organisme. On verra que ce n'est pas si simple, mais cette horloge centrale est nichée au cœur du cerveau et c'est elle qui impose le rythme circadien à l'organisme, tel un chef d'orchestre. Oui, ou en tout cas, c'est ce qu'on a cru depuis très longtemps, même si des données très récentes tentent à suggérer que ce n'est pas aussi simple, et on y reviendra certainement. Mais oui, en fait, comme ça vient d'être dit, toutes nos cellules, tous nos organes possèdent une horloge, parce que chaque tissu a besoin d'exprimer des gènes particuliers de façon cyclique. Mais si chacune d'entre elles vivait sa vie indépendamment, eh bien, on aurait une sacrée cacophonie entre les différents organes et même entre les différentes cellules d'un même organe. Et donc, il y a besoin d'un chef d'orchestre, et c'est effectivement cette horloge centrale qui joue ce rôle. Alors, elle se trouve dans l'hypothalamus, dans ce qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques, qui sont un ensemble de 20 000 neurones, je pense, à peu près, qui jouent ce rôle, qui permettent, en fait, par des communications qui passent, on le pense, au travers de l'activation de neurones et puis de certains neurotransmetteurs, de certaines hormones. Je pense, on a un petit peu partout dans notre corps des systèmes qui permettent de recevoir ces signaux-là. Et donc, toutes les horloges se mettent au diapason de cette horloge centrale. Et ces deux noyaux suprachiasmatiques dans l'hypothalamus présente une activité électrique qui oscille sur environ 24 heures, François Rouillet. Oui, en effet, puisque en tout cas pour ce qui concerne un certain nombre de rythmes, dont le rythme de température ou le rythme veille-sommeil, c'est leur activité qui va, comme vient de le dire Hélène, déclencher la production d'un certain nombre de molécules qui vont pouvoir aller synchroniser les autres horloges. Parce que chez les mammifères, le point important ici, c'est que le noyau suprachiasmatique est le seul qui va voir la lumière. Non, pas directement, mais parce qu'il est connecté aux yeux. Et toute la lumière arrive au cerveau par les yeux. Il en va en fait différemment dans d'autres espèces. Alors, je ne parle pas d'espèces qui n'ont pas de cerveau. Hein. Évidemment, chez les plantes, ça va être différemment. Chaque cellule va percevoir la lumière. Ou chez les insectes, par exemple, où les horloges possèdent leur propre système photorécepteur, en plus des yeux. Donc, la diversité du vivant fait que l'horloge a différentes façons de voir la lumière. Mais chez les mammifères, c'est très important. La lumière arrive au cerveau et du coup, le cerveau, ensuite, les noyaux suprachiasmatiques vont diffuser cette information pour mettre tout le monde à l'heure. Voilà, c'est qu'on s'est rendu compte, Claude Gonfier, hein, qu'il existe des horloges périphériques qui exercent une action, une influence vers l'horloge centrale. C'est un domaine qui est complètement passionnant, qui est en pleine effervescence. On ne comprend encore pas très bien, hein, finalement, comment ces horloges se parlent. Même la communication entre l'horloge centrale dont on a parlé dans les noyaux suprachiasmatiques et les horloges en périphérie, on sait que ça repose sur un certain nombre de marqueurs, d'hormones, de composés qui circulent, mais on ne sait pas très bien comment ça fonctionne très précisément. Et le lien inverse non plus reste encore assez méconnu. En tout cas, ça fait très longtemps qu'on a cette idée en tête. Dans le domaine du cycle veille-sommeil, on a observé dans les années 90 que les aveugles, par exemple, avaient beaucoup de mal à dormir la nuit, parce qu'évidemment, puisque leurs yeux souvent sont dysfonctionnels, eh bien, le cycle veille-sommeil va se décaler progressivement dans le temps. Alors, généralement, les aveugles ont tendance à prendre du retard, l'horloge biologique a tendance à prendre du retard et vont se coucher de plus en plus tard. Ils ne pourront pas maintenir un sommeil pendant la nuit solaire. Et les études ont été menées à partir de ce moment-là. On avait donc compris que sans yeux, l'horloge n'est pas bien synchronisée. Mais ce qu'on a compris aussi, c'est que vraisemblablement, les yeux envoyaient un message à l'horloge centrale. Et plus particulièrement, ça c'est données plus récentes de l'équipe de Harvard Med School, ce qui a été observé, c'est que vraisemblablement, l'horloge de la rétine informe l'horloge centrale, celle des noyaux suprachiasmatiques. Donc il y a beaucoup de communication entre toutes les horloges et c'est vraisemblablement ça qui fait que on doit plutôt que dire horloge biologique ou horloge circadienne, on devrait dire le système circadien parce que c'est réellement un système, c'est un réseau d'horloges qui communiquent entre elles pour permettre de produire la bonne activité physiologique au bon endroit et au bon moment. En quoi ce réseau, en quoi ce système circadien et ses troubles associés représentent un véritable enjeu de santé publique ? On répond à ces questions dans un instant. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. 16h17 sur France Culture avec François Rouillet, Hélène Duez et Claude Gonfier. Nous parlons de rythmes circadiens et de nos horloges biologiques. Oui, il y en a plusieurs. Nous venons de voir que le système circadien repose sur l'action d'une horloge centrale représentée par un groupe de cellules cérébrales, le noyau suprachiasmatique, qui synchronise les horloges circadiennes de tous les organes appelés horloges périphériques. Qu'il ne s'agit pas d'un mécanisme à sens unique. Selon une étude réalisée par des chercheurs du CNRS, publiée le 17 mai dans Science Advances, on vient de découvrir que le foie influence les rythmes biologiques des autres organes, Hélène Duez. Oui, c'est une étude qui est tout à fait passionnante. Comme le disait Claude à l'instant, on ne comprend pas très bien hein, ce réseau d'horloges, comment elles communiquent, comment elles font pour être toutes synchronisées entre elles, pour que finalement tout se passe en harmonie dans notre corps et que tous les organes soient à la même heure. Hein. Et c'est vrai que jusque-là, alors on commence depuis quelques années à avoir quelques études qui ont été publiées montrant que les horloges d'une cellule dans un organe peuvent influencer d'autres types de cellules du même organe, ou alors que un organe, le foie par exemple, peut informer d'autres tissus, le muscle par exemple, grâce à des médiateurs, des marqueurs qui sont sécrétés à certains moments de la journée. Mais ce qui est tout à fait passionnant, ce qui est tout à fait nouveau dans cette étude, c'est que pour la première fois, on montre qu'une horloge périphérique peut influencer l'horloge centrale. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait passionnant. Ça a été réalisé d'une manière très élégante, hein, puisque ces chercheurs ont utilisé en fait un modèle de souris. Alors elles sont rendues immunodéficientes, c'est-à-dire qu'on altère leur fonction immunitaire pour pouvoir leur greffer des cellules humaines et qu'il n'y ait pas de rejet. Et en fait, ce qui a été fait, c'est que on les a greffées avec des hépatocytes, avec des cellules de foie humain. Et puisque finalement les deux espèces, même si l'horloge est très conservée, il y a quand même des marqueurs qui sont un petit peu différents. Et donc ils ont utilisé ces marqueurs pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et de manière tout à fait passionnante, quand on greffe des cellules de foie humain chez la souris, eh bien, on perturbe le fonctionnement de l'horloge centrale et on le voit très bien sur l'activité locomotrice de ces souris qui est vraiment normalement un marqueur de cette horloge. Et puis, alors c'est un changement de dogme qui est tout à fait passionnant. Et puis l'autre chose qui est très intéressante, c'est que François Rouillet l'a dit tout à l'heure, l'horloge centrale, elle est synchronisée par la lumière. On remet notre horloge à l'heure pour qu'elle soit pile à 24 heures grâce à la lumière par l'horloge centrale. Il y a d'autres signaux, et en particulier la prise de nourriture, c'est un signal très synchronisateur pour les horloges périphériques. Et jusque-là, en fait, lorsque l'on mange à une mauvaise heure, on peut perturber l'horloge du foie, par exemple, mais normalement, on ne perturbe pas l'horloge centrale, qui, elle, ne voit que le signal de lumière. Eh bien, dans cette étude-là, les auteurs ont montré que l'horloge du foie est capable de modifier la façon dont l'horloge centrale perçoit ce signal de nourriture. Alors ça, c'est tout à fait passionnant parce que ça va ouvrir beaucoup d'études. On y reviendra certainement par la suite, mais on sait que l'arrivée d'un signal de nourriture au mauvais moment peut être déclencheur de pathologie chez l'homme. Et donc là, on va ouvrir un domaine d'études extraordinaire. Mais sur ces domaines d'études, une partie importante des recherches en chronobiologie s'intéresse au rôle majeur du rythme circadien sur le bon fonctionnement de notre organisme et sur les conséquences possibles sur notre santé. Claude Gonfrier, quelles sont justement les conséquences d'un dérèglement du rythme circadien ? Elles sont visiblement très nombreuses. On a mené un travail avec l'ANSES il y a quelques années, qui était rendu public en 2016, sur le lien entre travail de nuit et santé. Et la littérature avait déjà montré évidemment un ensemble de troubles chez les travailleurs de nuit, beaucoup de difficultés à dormir le jour par exemple. Ils perdent en général 2 à 3 heures de sommeil par 24 heures quand ils font du travail de nuit par rapport à ceux qui font du travail de jour. Beaucoup de difficultés à résister au stress, des troubles émotionnels, etc. Ça, c'est ce qu'on savait jusqu'à ce qu'on prenne en main ce travail avec un groupe d'une quinzaine de personnes. Et ce qu'on a vu, c'était assez stupéfiant, assez inquiétant, c'est non seulement ce que je viens de décrire a été confirmé par l'analyse de la littérature scientifique, mais on a trouvé aussi un ensemble d'altérations au niveau de la santé affective, beaucoup plus de dépression et d'anxiété chez les travailleurs de nuit, par exemple, plus de perturbations du système immunitaire, plus de cancers, plus de troubles cardiovasculaires, plus d'infarctus du myocarde, etc. On voit donc que dans une situation dans laquelle l'horloge biologique n'est pas en phase, n'est pas bien synchronisé avec ce que l'organisme lui demande d'effectuer. C'est-à-dire quand on fait du travail de nuit, on est éveillé pendant la nuit et on dort pendant le jour. On est physiquement actif pendant la nuit et on essaie d'être physiquement inactif pendant le jour. Eh bien, ça ne marche pas bien. Alors, il n'y a pas que l'horloge qui est impliquée vraisemblablement dans ces troubles, puisque quand on est travailleur de nuit, non seulement on a une horloge qui est à contre-courant, mais en même temps, on a une atteinte du sommeil qui est très importante. Et on sait maintenant que indépendamment de l'horloge biologique circadienne, mais en même temps pas totalement indépendamment, eh bien le sommeil va aussi, s'il est altéré, impacter la physiologie et va conduire à des troubles. Donc on voit bien que dans des situations extrêmes comme celle du travail de nuit, extrêmes dans le sens où certains individus vont vivre totalement à contre-courant des autres, eh bien on va avoir ces troubles très importants à tous les niveaux finalement de l'organisme. Et le travail de nuit concerne 15 à 30% des travailleurs en Europe. Et comme vous dites, Claude Gonfrier, il y a des travaux qui montrent un risque accru de cancer qui augmente dans ces conditions de travail décalées au-delà de 5 ans. Le travail de nuit est actuellement classé comme probablement cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer. Hélène Duez, sur ces conséquences des troubles du rythme circadien. Oui. Oui, en fait, il y a, comme le disait Claude, hein, ça va toucher énormément de fonctions. Alors sur le cancer, ça a été très bien documenté. Ça commence à être documenté aussi sur d'autres pathologies. Je pense notamment à des pathologies métaboliques telles que l'obésité. On a parlé de maladies cardiovasculaires. C'est vraiment sur le cancer que ces travaux ont été pionniers, mais en fait, on se rend compte que c'est vraiment on pourrait parler de maladies aussi, de perturbations inflammatoires de notre système immunitaire. En fait, dans la mesure où l'horloge en fait contrôle énormément de fonctions, et ça va du cycle cellulaire à la fonction de notre système immunitaire, à la façon dont les cellules consomment les sucres, les lipides, enfin les carburants dont elles ont besoin pour fonctionner. Et on se rend compte en fait que finalement dès qu'on modifie ces facteurs, on perturbe l'activité des cellules. Et donc, on va avoir des cellules qui vont se multiplier de façon anarchique parce qu'on a des décalages dans le cycle cellulaire. Elles vont consommer certains produits, certains carburants de manière un petit peu différente. Le système immunitaire qui répond normalement à des agressions, à des insultes, va lui aussi être légèrement dysfonctionnel. Et donc, quand on met ensemble toutes ces perturbations, eh bien effectivement, on observe un risque accru de pathologies, le cancer et bien d'autres. Oui, François Rouillet, on a mis en évidence donc le fait que le mécanisme inflammatoire suivait un rythme circadien. Il y a énormément de choses qui suivent un rythme circadien. Ce qu'il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, l'ensemble de la physiologie, l'ensemble des cellules, en gros, ont une horloge. Ça veut dire que l'ensemble des fonctions sont régulés de façon circadienne. Et par exemple, il y a une expérience qui a été menée chez le singe il y a quelques années, assez récente, où les gens regardaient combien de gènes étaient sous contrôle circadien du point de vue de leur fonctionnement. On sait depuis pas mal de temps qu'il y a 5 à 10% des gènes lorsqu'on regarde un organe, un type cellulaire, qui sont circadiens du point de vue expression. Et en fait, on s'est rendu compte dans cette expérience, les gens se sont rendu compte que si on regarde l'ensemble des tissus, en fait, la totalité des gènes vont cycler, pas tout à fait, c'est entre 80 et 90% des gènes vont cycler dans au moins un tissu. C'est-à-dire que l'ensemble de nos gènes, quelque part dans l'organisme, est soumis à contrôle circadien. Donc évidemment, comme tout ça est calé sur le cycle aujourd'hui, dès qu'on va se retrouver dans des situations où ce cycle est perturbé, typiquement le travail posté, etc., ça pose des gros soucis. Ça en pose également, même sur de façon chez des personnes qui vont pas subir de perturbations très importantes comme le travail posté, mais pour lesquelles on va demander on va imposer un rythme qui n'est pas tout à fait celui du soleil. Il y a un débat autour des horaires scolaires où les enfants, par exemple, les adolescents en particulier, vont avoir une horloge plutôt tardive parce qu'elle évolue au cours de la vie. Donc ce qu'on appelle un chronotype, en gros, si on est plutôt matinal ou plutôt du soir. Et d'avoir des horaires trop tôt à l'école n'est pas particulièrement adapté à la physiologie des adolescents. Donc en fait, il y a énormément de conséquences de la vie sociale, professionnelle, tout ce qu'on voudra, sur le fonctionnement de l'organisme à cause de notre horloge. Alors pour continuer à parler des expériences autour de ces rythmes, tous les trois, hein, vous étudiez chacun le système circadien de manière différente et complémentaire, sur le modèle drosophile avec vous, François Rouillet, le modèle murin avec vous, Hélène Duez, et avec vous, Claude Gonfier, chez l'humain. Comment est-ce que vous étudiez ce système circadien? Vous avez mené une expérience pour étudier purement le phénomène endogène de ce système. Claude Gonfier, on vous a perdu? Ah, pardon. Ah, non, vous êtes là. Non, je ne savais pas que vous étiez là. Si, pardon. J'aimerais qu'on revienne ensemble sur l'expérience que vous avez menée pour étudier purement le phénomène endogène du système circadien. Oui, alors ce qu'on a fait repose sur le principe qu'on a déjà abordé tous les trois depuis le début de l'émission, qui est, puisque notre horloge biologique va rythmer la physiologie, il faut utiliser des marqueurs de la physiologie. Donc nous, on s'est intéressé par exemple, dans cette récente étude, à la sensibilité à la douleur. Et puis, il faut être évidemment dans un protocole bien spécifique qui permet d'observer la rythmicité endogène. Alors, pour observer la rythmicité endogène, il faut que l'organisme soit placé dans des conditions où l'environnement ne va pas rythmer et ne va pas imposer à la physiologie des changements rythmiques. Et donc, par exemple, chez l'humain, ce qu'on fait, c'est qu'on place nos participants dans des conditions dans lesquelles ils vont rester. Alors, ils vont passer une bonne nuit de sommeil au laboratoire. La literie est très confortable chez nous au centre de neurosciences. Et ils vont rester éveillés pendant 24, 30, 35 heures. C'était 36 heures dans cette dernière étude. Rester éveillé pendant 36 heures, ça demande évidemment à ce qu'il y ait toujours quelqu'un, un expérimentateur à côté des participants, parce qu'ils vont évidemment avoir une grosse pression de sommeil pendant la nuit. Et nous, on veut éviter ce sommeil nocturne parce que le cycle veille-sommeil pourrait, à lui seul, évoquer les rythmes qu'on va mesurer. Donc on supprime cette variation du cycle veille-sommeil. On les met dans des conditions où ils sont allongés, hein, de manière à éviter le rythme d'activité motrice pendant la journée et d'inactivité pendant la nuit. La température est constante, la luminosité est constante, elle ne change pas, elle est très basse. Nos lumières sont d'à peu près une bougie, correspondent à ce qu'on observe quand on regarde une bougie dans le noir à un mètre de notre œil, c'est un petit peu moins d'un luxe. Et là, et bien dans cette situation-là, qu'on appelle la constante routine ou la routine constante, et bien on est dans une situation qui, si l'on observe un rythme physiologique, et bien ce rythme physiologique est très vraisemblablement lié au fonctionnement de l'horloge circadienne endogène qui va déclencher cette activité rythmique qu'on observe. Et donc ce qu'on a fait, c'est que toutes les deux heures, à partir du réveil, et pendant 36 heures, on a mesuré la perception douloureuse chez nos participants. Alors, on avait une petite sonde thermique, une thermode, qu'on plaçait sur l'avant-bras. Et puis, à partir du moment où le sujet était prêt, eh bien, on démarrait l'augmentation de température, qui augmentait depuis 32 degrés jusqu'à ce que le participant clique sur un bouton au moment où cette température devenait douloureuse. Donc, on ne voulait pas aller trop loin, évidemment. Et on lui demandait de cliquer sur un bouton dès que cette température devenait douloureuse. Et ce qu'on a vu, tout simplement, eh bien, c'est que la vitesse avec laquelle le participant va cliquer sur ce bouton, qui nous indique la température à partir de laquelle le stimulus est douloureux, eh bien, change au cours des 24 heures. De manière très précise, quand on a vu les premiers résultats, on était très surpris. On s'est dit, on a dû faire une erreur quelque part. On a dû faire des lissages mathématiques un petit peu trop sévères parce que la courbe qu'on observait correspondait à une sinusoïde. Vous savez, cette vague qui est creuse à un moment donné et élevée à un autre, et la distance entre deux creux ou deux pics était exactement de 24 heures. Et le signal était totalement symétrique. Donc, on était très surpris. Et puis après moult vérifications, eh bien, on a vu que la variation de la sensibilité à la douleur est très prévisible. Elle culmine chez le sujet sain à 4 heures du matin en moyenne, et c'est là qu'on est le plus sensible à la douleur thermique, et elle est minimale à 4 heures de l'après-midi. Voilà donc le résultat qui nous a été donné d'observer grâce à ce protocole un peu particulier, qui semble un petit peu difficile, mais en fait, ça se passe très bien. Nos participants, généralement, souhaitent revenir. Ce que montre cette drôle d'expérience, c'est que la perception de la douleur varie avec le rythme circadien. C'est comme si nous étions câblés pour supporter la douleur à des phases les moins handicapantes, c'est-à-dire lorsqu'on dort. Oui, complètement. Alors, on ne connaît pas bien pourquoi cette rythmicité est évoquée de cette manière-là. On l'a observé. Il y a plusieurs avis, il y a plusieurs hypothèses. On en a parlé entre nous, évidemment, et à l'occasion de congrès avec nos collègues, on a réfléchi à ça. Personne n'a de réponse, on ne sait pas pourquoi. Une des hypothèses qui nous tient à cœur en ce moment, c'est le fait que, vous savez, on était évidemment, avant d'être des hommes ou des femmes modernes, on habite dans les cavernes, et puis avant, il y en a toujours d'ailleurs, et puis il y avait des animaux il y a toujours des animaux qui sont soumis à des conditions de vie avec des prédateurs dans leur environnement n'attendent que le bon moment pour manger ces animaux. Eh bien, il faut vraisemblablement qu'il y ait un vrai besoin à ce que cette physiologie de la douleur soit exprimée de cette manière-là. Et le sommeil, c'est un moment particulièrement dangereux pour la plupart des animaux qui sont soumis à des prédateurs, parce que pendant le sommeil, eh bien, on a une diminution de notre perception environnementale, on n'entend plus le bruit, on entend beaucoup moins les sons, on perçoit moins bien notre environnement. En général, les yeux sont fermés, donc on ne voit plus. Et donc là, à ce moment-là, on est très très sensible à des attaques de la part des prédateurs. Et donc, on émet l'hypothèse que le système circadien, alors que le sommeil, lui, va diminuer la sensibilité à la douleur pendant la nuit, de manière à ce qu'on puisse s'endormir tout simplement, le système circadien, au contraire, lui, pendant la nuit, va l'augmenter, de manière à maintenir, possiblement, un certain niveau de sensibilité à la température, aux variations de température, afin de nous permettre, en cas de besoin, eh bien, de réagir face à un prédateur, par exemple. Voilà comment la perception de la douleur est conditionnée par l'horloge biologique. Quels sont les traitements des troubles de cette horloge biologique? Comment la rééquilibrer? On y vient dans quelques instants. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. There's just one thing. Job down in the city. You see, we never, ever do nothing. Working for the man. Nice. Every night and easy. Day. We always but do I it. Never lost nice. One minute and sleep. Rough. And I will work but we're going to take the beginning of this song. The thing and do it been. Easy. Big wheel keep but then we're going to do the finish. Turning. Rough. Proud Mary. It's the way we keep do. On burning. Proud Mary. And we're rolling. Ooh, rolling. Ooh, rolling on the river. Listen to the story. Left a good job down in the city. Working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep. And I was worried about the way that things might have been. You know that big wheel keep on turning. Proud Mary keep on burning. Toute la chaîne lui rend hommage aujourd'hui. Proud Mary de Tina Turner à 16h37 sur France Culture. Nous parlons aujourd'hui d'horloge biologique et de rythme circadien avec nos trois invités du jour. Hélène Duez, chercheuse à l'INSERM, spécialisée sur les rythmes circadiens, sur les aspects physiologiques et pathologiques, avec François Rouillet, directeur de recherche INSERM et directeur de l'Institut des neurosciences Paris-Saclay, et Claude Gronfrier, docteur en neurosciences, chronobiologiste au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Nous venons de parler des impact d'un rythme circadien déréglé. De nombreuses études ont démontré que ces dérèglements influent grandement sur le déclin cognitif, la dépression, les troubles anxieux, le stress et plus généralement sur les troubles de l'humeur. Le rythme circadien orchestre nombre de processus de notre organisme et son dysfonctionnement peut aussi induire des troubles importants impactant le sommeil. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Natacha. Et vous êtes allée au centre du sommeil et de la vigilance à l'Hôtel Dieu de Paris pour découvrir une thérapie pour aider les patients à rééquilibrer leur horloge du sommeil. Et oui, parce que la frénésie du quotidien et l'exposition aux écrans peuvent altérer le rythme du sommeil. Une des pistes thérapeutiques pour recaler cette horloge concerne la luminothérapie, car la lumière est un puissant synchronisateur qui agit sur la production de mélatonine et qui régule le sommeil. L'équipe de François Dufaurez, médecin chronobiologiste, teste les effets d'une lampe spéciale dont l'exposition permet, par une pratique régulière et assidue, de recouvrer une bonne synchronisation. Du sommeil, c'est comme, je dirais, une enquête policière. On va poser des questions, et puis parfois on trouve des solutions d'un animal domestique qui dort dans une chambre et qui réveille la personne à 4h du matin. C'est des petits détails comme ça. Donc là, on est dans le laboratoire, avec donc l'ensemble des chambres du sommeil. On a aussi une chambre de luminothérapie. Ici, c'est bonjour, les techniciens. Bonjour. Les médecins qui travaillent sur les tracés électro, ce qu'on appelle les polysomnographies. Ils sont en plein dedans, là. Ce qui est amusant dans le sommeil et l'horloge biologique, hein, ces deux mécanismes qui sont totalement intriqués, c'est le fait qu'on s'aperçoit que maintenant, dans le sport de haut niveau, les détails comptent, et notamment, un point qui est clé, c'est la récupération. Parce que les épreuves se succèdent. Je vous cite l'exemple, par exemple, de l'équipe de France de hand que je suis à ce niveau-là. Eh bien, l'équipe de France de hand, là, lors des derniers championnats du monde, avait des matchs tous les 3 jours. Donc, 3 jours, il faut récupérer. Sauf que récupérer quand vous avez des déplacements à faire et que la compétition se fait au mois de décembre en Suède et en Pologne, c'est-à-dire là où la luminosité est la plus basse. Donc comment faire pour que, individuellement, si des joueurs ont des problèmes, mais aussi collectivement, et je parle pas que les joueurs, je parle des coachs, je parle des entraîneurs, je parle des gens, le staff en général, soient performants en termes de vigilance alors qu'il fait gris dehors, que c'est un sport intérieur, donc ils ne voient pas la lumière du jour. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a expliqué à l'ensemble des coachs, à l'ensemble des joueurs également, l'utilisation de ces outils de luminothérapie à utiliser soit avec les kinés, soit dans les briefings, à quelles heures les utiliser, en fonction des déplacements qu'ils ont eu à faire en Suède et ainsi de suite. Hop là. Martial, Lila, voilà. Donc là aussi, c'est la salle de contrôle, ici. Le premier point, c'est de savoir, en face de nous, quel dormeur on a. Est-ce qu'on a un court dormeur, un moyen dormeur, un dormeur? Donc ça, on a des techniques, soit des évaluations par questionnaire, soit des évaluations électroencéphalographiques, qu'on appelle la polysomnographie. Et on va utiliser des mesures qu'on appelle actimétriques, qui nous permettent de comprendre comment fonctionne l'horloge biologique. C'est-à-dire qu'on va enregistrer les gens pendant minimum 8 jours, qui sont à la fois des jours de travail, mais aussi des jours de repos, pour voir comment fonctionne l'horloge biologique de cette personne, qu'elle soit insomniaque avec des problèmes de sommeil ou qu'elle soit sportive de haut niveau. Donc savoir quel dormeur on a, c'est à la fois le nombre d'heures que les gens dorment naturellement et quel est leur chronotype. Est-ce que ce sont des gens qui ont une horloge biologique qui retarde, ce qu'on appelle les gens du soir, ou une horloge biologique qui avance, ce qu'on appelle les gens du matin. Et ça, c'est génétiquement programmé. Voilà, ça c'est Laurent, qui est spécialiste de la luminothérapie chez nous. On est donc ici au centre du sommeil et de la vigilance à l'Hôtel Dieu de Paris. Et moi, je suis spécialisé dans la luminothérapie, la lumière, l'usage de la lumière pour réguler les rythmes circadiens. Et donc là, en fait, vous avez sorti une lampe qui est assez impressionnante, en fait, même au niveau de l'intensité. Je ne sais pas si c'est le bon paramètre à employer pour qualifier cet éclairage, mais qui brûle un peu les yeux, là. Effectivement, cette lampe, elle est assez piquante, entre guillemets, mais il faut un minimum de lumière pour avoir une action sur le rythme circadien. On pourrait avoir une lumière faible, mais il faudrait rester longtemps devant cette lumière pour avoir une même action. Quand on veut intégrer ça au quotidien, le matin entre autres, on ne peut pas demander à un patient de rester 2 heures devant sa lampe entre le lever et le moment d'aller au travail. C'est pas possible. Donc on joue sur l'intensité de la lumière. Si j'ai un patient qui est en retard de phase, c'est-à-dire qu'il va avoir de plus en plus de mal à se coucher tôt, il va tarder de plus en plus. On va le recadrer en lui demandant une exposition à la lumière le matin. Dans l'idéal, parce que le sommeil adore la régularité, et dans l'idéal, à l'heure fixe. Et donc ça va le recaler. Le soir, il va pouvoir avoir cette envie de dormir plus tôt. Si j'ai un patient qui fonctionne de façon interne sur moins de 24 heures, lui au contraire, il va fatiguer très tôt le soir. Alors soit il se réveille très tôt le matin, soit il se réveille pas forcément tôt, mais par contre il est très fatigué déjà à 17 heures. Donc niveau vie sociale, c'est compliqué. Là, dans ce cas-là, on va s'exposer à la lumière plutôt en fin d'après-midi. Et le but, ça va être de repousser le début de sécrétion de la mélatonine. Quel est, de votre expérience depuis le temps que vous mettez en place ces dispositifs pour vos patients, le taux de réussite et les limites de cette méthode? Les limites, c'est que quand on arrête la luminothérapie, le corps peut vite revenir dans ses travers. C'est pour ça que, pour ma part, quand je prête une de ces lampes à un des patients, je ne lui explique pas seulement le fonctionnement de la lampe et ce qu'il doit faire avec, je lui explique tout ce qu'il faut changer autour ou garder dans l'hygiène de sommeil, parce que c'est ça qui va faire qu'on va tenir dans le temps. La lampe, elle est là pour redonner une impulsion, pour aller plus vite, pour recadrer. On a des étudiants parfois qui sont complètement décalés, qui sont en inverse de phase. Ils vivent la nuit, ils dorment le jour, ils n'arrivent plus à aller à la fac, et moi j'ai eu malheureusement des jeunes qui ont perdu une année comme ça. Donc là on se dit bon, ça va être un peu dur au début, mais on va recadrer avec des horaires, qu'ils aient dormi ou pas. Le lever, ça sera telle heure, il y aura la lumière, le soir c'est interdiction d'écran à partir de telle heure, et on fait ça pendant 3-4 semaines, il faut que le corps se réhabitue à fonctionner autrement. Mais on a notre horloge qui n'est pas, voilà, qui n'est pas sur 24 heures, et ce qui fait qu'on fonctionne sur 24 heures, c'est le lever régulier le matin, c'est le fait de voir la luminosité dehors, le fait de les repas devraient être à l'heure fixe, c'est quelque chose qui cadre aussi notre horloge d'une manière générale. J'insisterai vraiment à côté de la luminothérapie sur l'aspect hygiène. Merci Céline Lozen pour ce reportage. Hélène Duez, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ou sur les différences de stratégies thérapeutiques à l'étude? Oui, alors ce qu'on vient d'entendre, hein, ça reprend un petit peu ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire que il y a un temps pour tout. Et il y a un temps pour le sommeil aussi, et donc les horaires réguliers, d'avoir une routine, c'est extrêmement important pour garder un bon rythme, une bonne hygiène de sommeil, c'est vraiment important. Mais malgré tout, on est tous face à une pression sociale, économique, qui fait que on n'a pas toujours le choix de l'heure à laquelle on travaille, de l'heure à laquelle on se couche. Et donc effectivement, la luminothérapie, c'est un moyen extrêmement efficace pour s'aider. Pour s'aider à dormir le soir, pour s'aider à retrouver de la lumière la journée, parce que finalement, on vit beaucoup dans des environnements qui sont beaucoup à l'intérieur, en fait, avec des lumières artificielles. Et donc, de s'exposer à la lumière la journée et de diminuer notre exposition à la lumière, en particulier aux écrans le soir, c'est quelque chose d'extrêmement efficace. On peut d'ailleurs citer beaucoup d'applications maintenant aujourd'hui sur nos téléphones et sur les ordinateurs qui permettent de modifier à la fois l'intensité lumineuse et puis aussi de filtrer un peu certaines longueurs d'onde, ce qui permet en fait de diminuer un peu l'impact que peut avoir la lumière sur le décalage qu'elle induit dans nos rythmes de sommeil. Donc la luminothérapie, sans aucun doute, c'est un moyen très efficace. Et puis oui, effectivement, il y a d'autres pistes. Nous travaillons beaucoup sur des aspects peut-être plus chimiques, tout simplement parce qu'en fait, au cœur des rouages, au cœur de ces gènes qui constituent notre horloge, il y en a certains dont l'activité peut être modifiée par des molécules chimiques. Alors nous, on essaye de comprendre comment on pourrait manipuler directement cette horloge avec ces molécules chimiques pour essayer de diminuer certains troubles qui sont dus à des dérèglements de l'horloge, en particulier des troubles métaboliques, cardiovasculaires et autres. Je peux vous donner un exemple. Vous parlez de la protéine Reverba sur laquelle vous travaillez, qui est une protéine qui joue un rôle essentiel dans le fonctionnement et la régulation du rythme circadien du cerveau. Oui, c'est ça. C'est cette protéine Reverb Alpha qui est un des composants de l'horloge, un des rouages de l'horloge, mais qui est aussi ce qu'on appelle un récepteur nucléaire. Alors nucléaire parce qu'il rentre dans le noyau pour modifier pour mettre en silence certains gènes à certains moments de la journée lorsqu'ils ne sont pas utiles. Mais c'est un récepteur. Donc en fait, il est capable de recevoir une molécule chimique, un ligand. Et donc on se sert de ces molécules chimiques, alors qu'on ne peut pas donner chez l'homme actuellement. actuellement parce que ce sont des molécules expérimentales qui sont trop toxiques, qui ne sont pas faites pour être données chez l'homme, mais en tout cas on les utilise chez l'animal. Et ce qu'on remarque, c'est que en utilisant ces molécules, eh bien on est capable d'améliorer les conditions de santé de souris. Par exemple, on est capable d'améliorer leur réponse à une infection, à un stimulus inflammatoire. On a aussi, par exemple, montré récemment qu'on était capable d'améliorer la fonction musculaire chez des souris myopathes en modifiant l'horloge. Tout simplement parce qu'en fait, comme on l'a dit, l'horloge régule beaucoup de fonctions. Elle régule la capacité de notre système immunitaire à répondre. On parlait tout à l'heure de la douleur qui était ressentie de manière différente le jour et la nuit. Eh bien, il en est de même pour la reconnaissance d'un corps étranger, d'une bactérie ou d'un virus. Notre système immunitaire ne répond pas de la même façon le jour et la nuit. Et donc, il y a tout un ensemble de facteurs qui font le métabolisme aussi, qui font que cette fonction musculaire ou la fonction cardiaque, on sait tous que l'infarctus du myocarde, par exemple, il a lieu le matin chez l'homme en début de période active. Chez la souris, c'est pareil, c'est en début de période active, à part que là, c'est la nuit, et on est capable de reproduire le fait qu'une souris a un infarctus du myocarde plus étendu au début de sa période active. Et là encore, on a montré qu'en jouant sur cette protéine Reverb Alpha, eh bien, on pouvait modifier la taille de l'infarctus. Donc, ça fait partie des choses qui sont à l'étude à l'heure actuelle. On n'est pas le seul laboratoire qui travaille là-dessus. Et puis, si je peux encore prendre quelques secondes pour aller jusqu'au bout de l'idée, en fait, on peut parler de chronothérapie même avec les molécules qui existent déjà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de médicaments aujourd'hui qui, en fait, vont cibler des processus qui sont circadiens de manière physiologique. Et pour l'instant, ça se fait encore très peu. Mais il y a beaucoup d'espoir dans le fait de pouvoir restreindre l'exposition à ces médicaments à une fenêtre de temps particulière qui permettrait d'avoir une activité optimale de ces médicaments, tout en, par exemple, réduisant l'exposition lorsque le médicament serait moins actif, ce qui permettrait aussi d'ailleurs de réduire certains effets secondaires. Donc voilà, il y a des pistes, il y a beaucoup de choses à l'étude. Vous évoquez la chronothérapie, Claude Gonfry, on peut parler de cette chronopharmacologie du cancer, où on sait désormais que l'heure de prise d'un médicament a une influence sur son efficacité. Selon l'heure de la prise du traitement, l'effet n'est pas du tout le même et les effets secondaires non plus. Oui, complètement. Ça, c'est des travaux qui sont très intéressants, qui ont été menés en France, d'ailleurs. Les premiers travaux ont été menés par Francis Lévy à Villejuif, à l'hôpital Paul Brousse. Et il a montré il y a très longtemps, en 1983, je crois, la première étude, que, en effet, selon l'heure d'administration des molécules utilisées dans la chimiothérapie, par exemple, eh bien, les résultats n'étaient pas du tout les mêmes. Non seulement l'efficacité augmente lorsque la molécule est administrée à certains moments, mais en plus, les effets secondaires diminuent, comme on vient de l'évoquer. Donc, c'est le double effet qui se coule, on pourrait dire de manière familière, c'est-à-dire que non seulement on va optimiser le traitement, mais on va réduire les effets secondaires qui souvent posent problème, en particulier dans le cas de la chimiothérapie. Ça, c'est un des pans de ce qu'on appelle maintenant la médecine circadienne, la chronothérapie ou la chronopharmacologie. Mais en effet, il y a tout un tas de pistes en cours qui permettent de mieux prendre en compte l'individu, c'est-à-dire éventuellement son chronotype, selon qu'on est quelqu'un du matin ou du soir, selon qu'on est petit dormeur ou grand dormeur, selon qu'on a une activité à l'extérieur ou à l'intérieur. On va prendre en compte ces paramètres individuels, c'est ce qu'on appelle maintenant la médecine personnalisée. Alors c'est très à la mode dans le domaine de la science et de la médecine, mais en chronobiologie, on maîtrise ces aspects depuis bien longtemps, puisque évidemment on sait que quand on est un petit dormeur, un grand dormeur, un couche-tard lestat ou un couche-tôt lestot, eh bien, les besoins chronologiques sont pas les mêmes, notre exposition à la lumière n'est pas la même, etc. Donc, c'est tout un pan qui est en plein développement en ce moment, qui s'appelle la médecine circadienne. C'est pas encore très développé. Il y a deux centres aux États-Unis de médecine circadienne. Il y en a pas encore, à ma connaissance, en Europe. Ça va venir. Il va falloir que les gens soient formés à la chronobiologie dès le plus jeune âge, en tout cas le plus tôt possible lors de leur cursus en physiologie et en médecine. Oui, sur ces problèmes de sommeil, pour compléter le reportage qu'on a entendu à l'instant, hein, en France, un adulte sur trois dort moins de 6 heures, un adulte sur 10 se dit insomniaque. On peut dire que tout ça, c'est un enjeu de santé publique majeur et qu'il faudrait intégrer un peu mieux ces nouvelles approches circadiennes dans la médecine globale. Merci à vous trois, merci d'avoir pris le temps de nous faire comprendre le fonctionnement de nos horloges internes. Il est temps à présent de retrouver Gilles Boeuf et sa chronique hebdomadaire, le pourquoi du comment. Ma suite avec vous aujourd'hui, ça va être une question qu'on se pose depuis longtemps. Pourquoi, lorsque l'océan de très loin est le plus grand milieu offert à la vie sur la Terre, eh bien la diversité des espèces connues dépasse pas 13% de l'ensemble des espèces vivantes aujourd'hui connues, environ 300 000 dans l'océan. C'est peu, et ça peut être lié à deux raisons. D'abord, on peut se dire on connaît moins bien l'océan. Surtout les zones profondes, les micro-organismes, les bactéries, les protistes, hein, ces grosses cellules à noyaux que sont les micro-algues marines. Et on la sous-estime. Quand Tara Océan part en 2009 et rentre en 2013, il ramène 600 000 séquences pas connues. On se rend compte de la variété des virus, des bactéries, des protistes, beaucoup de dinoflagellés dans cet océan. En fait, la seconde raison, c'est que les écosystèmes marins et les modes de vie dans un milieu continu comme celui-là, à travers la dispersion des larves et des gamètes, hein, des produits sexuels, des espèces qui peuplent l'océan, prédisposent beaucoup moins à l'endémisme. Ça veut dire qu'en mer, tout le monde se rencontre finalement. Alors que sur Terre, on connaît des espèces qui vivent sur quelques centaines de mètres carrés. C'est complètement impossible en mer. Quand Jean-Louis Etienne fait son expédition à Clipperton, on trouve des mérous nouveaux autour de Clipperton, mais ils sont quand même sur des centaines de kilomètres carrés. Ce qui est intéressant, c'est que les biomasses marines peuvent être considérables. La seule performance du phytoplancton, dans sa capacité à se renouveler, peut dépasser 50% de toute la productivité totale de la planète. Donc l'océan peut produire beaucoup. En question intéressante, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a 5 à 7 fois moins d'espèces dans le milieu marin que dans les milieux continentaux ? Alors qu'au départ, on l'a vu, la vie était exclusivement marine. Et la vie sort plusieurs fois, en plusieurs endroits, sous différentes formes de l'océan. La grande crise Permien-Trias, il y a environ 250 millions d'années, extermine 96% des espèces sur Terre et en mer. L'explosion des terrestres, en fait, va démarrer avec les plantes à fleurs, et donc les insectes, hein, les pollinisateurs, et beaucoup d'autres groupes sur la Terre, vers 130-110 millions d'années. Et c'est là que, finalement, on a eu des radiations, des explosions d'espèces à partir de quelques groupes. Et ça, c'est très important dès le Carbonifère, hein, donc dès 345 millions d'années. La coévolution entre les plantes et les pollinisateurs est absolument fondamentale. Et ça a souvent été proposé, justement, pour expliquer l'apparition d'une infinité de nouvelles niches sur le continent par rapport à l'océan. Il est clair aussi que les phénomènes de dispersion en mer sont très différents sur Terre. Sur Terre, vous avez sans arrêt des barrières, hein, au déplacement, avec des niches considérablement diversifiées. Et les phénomènes de dispersion des produits sexuels et puis des larves en mer sont aussi très différents de ce qui se passe sur Terre. Donc c'est vrai que c'est intéressant à regarder parce que le milieu marin et après les grands milieux d'eau, en fait, tire parti de phénomènes de dispersion des masses d'eau. C'est fréquent en mer qu'un mâle et une femelle qui font des bébés ensemble, ça jamais vu en fait. Hein. Une crevette, elle va déposer ses ovocytes et puis le mâle passe par là, il est féconde. Donc la connectivité de l'océan, les variations bien plus faibles des facteurs environnementaux, hein, on disait la stabilité, créent justement ces conditions et caractéristiques qui font que la biodiversité de l'océan est particulière. Les systèmes côtiers sont intéressants parce qu'ils sont un petit peu différents et comme ils sont fertilisés en permanence par les apports de la Terre, on a beaucoup de biodiversité aussi, bien sûr, sur le littoral. Donc, faut vraiment insister aussi que sur les vivants, un catalogue ou un inventaire, c'est pas suffisant. Hein. Vraiment, pour connaître la biodiversité, il faut établir toutes les relations que tous les êtres vivants ont établies entre eux et avec leur environnement. Et je terminerai sur ces questions marines en vous disant que sur les phyla animaux, tout ce qui est animaux, on en connaît 33 aujourd'hui, 12 n'ont jamais été capables de quitter l'océan. Le plus connu sont les échinodermes, les oursins, étoiles de mer, hein, et les crinoïdes et les concombres de mer sont océaniques et n'ont jamais été capables de quitter ces milieux particuliers. Merci Gilles pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Cette émission ne serait pas grand-chose sans Antoine Beauchamp, Noémie Maguet de Saint-Vulfran, Mafi Terrasse, Garance Prima Agnolo, Céline Lozen, Mariam Ibrahim. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Jérémy Kaufmann.